viens dans la présence de Dieu. Amen. Que les rachetés disent Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à celui qui règne éternellement. Et qui sauve éternellement. Nous nous tenons devant toi au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci de tout cœur. Pour cette belle matinée que tu as faite. C'est le jour que tu as fait. C'est l'heure que tu nous donnes. Pour nos âmes et pour toi. Pour ton royaume et tes saints. Nous adorons pour l'éternité. Reçois le meilleur de la part de chacun de nous. Ta meilleure prière. Ta meilleure louange. Ta meilleure adoration. Ta meilleure consécration. Ta meilleure supplication. La meilleure requête de prière. Agrée au nom de Jésus. Et apporte une suite favorable. Apporte la bénédiction. Pour le cœur qui a la foi d'Abraham. Afin que les choses du monde courissent à nous. Et que la vie de Dieu. Abonde-nous. La vie de la parole abonde chacun de nous. Seigneur, sauve et délivre. Pardonne le péché. Confonds Satan. Secoue le front. Comme tu as béni à Israël, tenez-vous tranquille. Car ce n'est pas vous qui combattez. Mais je vais enfin combattre la vous. Nous voulons prier et prier. Tu es capable de le faire pour chacun. De détruire la routine. Nous demandons à Dieu de détruire la routine. Utilise-nous comme bon te semblera. Alors que nous sommes venus comme un lieu saint. Consacrant. Appelant le Seigneur sur la scène. Entends les cris de nos cœurs. Et donne ta parole à chacun. Bénis ce moment de réunion. Et chasse l'ennemi. Que le père de toute affluence. Que les âmes qui sont encore liées soient délivrées par ta vérité. Quand la parole sera proclamée, qu'elle soit une guérison pour les malades, qu'elle soit une délivrance pour les captifs. Tous les opprimés, tous ceux qui souffrent, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus. Oh Père, oh Tata, mais tu existes. Yo Zali, c'est toi le Sauveur. Viens de mon petit. C'est toi je suis le Rédempteur. Viens de mon petit. C'est toi le Tout Puissant. Viens de mon zinongui anyanso. Que si le Fils vous approche, toi qui m'en a attendu si nous, vous serez réellement libre. Toi tes abeilles causent la naissance. Faire nous à quelque chose. Et si la personne est loco. Faire nous à quelque chose. Nous ne pouvons pas aller loco. Maintenant serve à quelque chose. Et si quelqu'un a eu son aéro comme on a tombé. Tu es utile et important. Vous allez dans les tombes, tu es indispensable pour notre vie. Vous allez dans le monde pour nous adorer pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. dans la Sainte Bible, côté Nouveau Testament, à trois endroits pour servir les témoignages. Jean chapitre 5. Prenons le verset 25 à 26. Après, nous lirons également dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 16 à 18. Est-ce que c'est aussi important là-bas? Et nous lirons également dans Ephésiens au chapitre 2e. Le verset 4 à 6. Nous commençons d'abord par Jean chapitre 5, le verset 25-26. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Solo, solo, nazali kolobanabino eti. Tango ikoya. Eh, nazali sasaiti. Wana bakushi, bakoyoka mungongo na mwana na nzambe. Peba oyo, bayoki, bakozala na bomoi. Nzambi lokola tata azale na bomoi kati na yemoko. Bongo asiliko pesa epai na mwana eti, azala na bomoi kati na yemoko. Apesi mpe ye, bukonzi pona kosambisa mpwete ye, azali mwana na moto. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, tukotanga na Ephésiens mukapo mibale, le verset 4 à 6, comme annoncé. Mungu ya minei kino na moto balokolatu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ndenzambe azali na mawa mingi. Pona bolingo monene bozali na ye mpona kolinga kabiso. Mpe atawana ezalaki biso bakufi. Pona bikweisa meli azali sibiso na bomoi esika moko na Kristo. Bobiki na ngolu penza. Mpe asekwisi biso na ye avandisi pe biso na ye na bisika na likolo kati na Kristo Yesu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mukanda liboso na ba Thessalonika mukapo 16 à 18. Mulongo kotanga zomi na motoba kinga. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Poète, nkolo yemoko akokita, longwana likolo, nakonganga makasi, mpe na mungongo na mokolo na banji, mpe na kobeta na mundule na nzambe. Pe bakufi kati na Kristo bakosekwa liboso. Nasima, biso bato na bomoi ba oyo totikali. Tokonetwa kati na mapata mpona kozwama na nkolo kati na mopepe esika moko na bango. Mpe, bongo tokozala libela esika moko na nkolo boye. Bobondisana bino mpenza na maloba oyo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe apambola botangi eloba na ina mosantu. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Na bongo bokoki kovanda na kombo na bikamwa na nkolo na biso tokisi. Au merveilleux nom de Jésus-Christ que nous allons proclamer l'évangile du salut. Ezali bobele na kombo na bikamwa na nkolo na biso tokisi ndeto kosakola ka. La parole du Dieu qui vit éternellement. Eloba na nzambe ezali kobika seko na seko. Dieu qui délivre pour l'éternité. Nzambe ezali kokangula pona ezalanga. Dieu qui sécurise éternellement. Dieu qui sauve éternellement. Dieu qui nous donne la vie éternelle. Dieu qui nous donne la vie éternelle. rendons gloire à son nom pour sa grâce et sa bonté qui se renouvelle encore ce matin. Comme vous savez qu'il est écrit, c'est grâce aux bontés de l'Éternel que nous respirons encore. Pour toi qui respires, tu respires comme tu respires. Il arrive même que nous soyons ingrats. Et comme la capacité de Zangina Matolo, il te montre si bon pour nous servir les souffles de vie. Et Azel comme mon ministre qui peut quand même nous pouvoir passer ce phénomène. Nous nous montrons ingrats pour utiliser les souffles de vie au service du péché. Vous allez consacrer la peine à Bomo Yango, à consacrer ma famille, des mais comme disent les paroles du chant, ah, ta bato bako bo, yo, yo, ah, kolinga satana, yo yeso, yo, olingi batono, so, olo, chèvre, quand le soleil se lève, elle sait dire merci au Seigneur. Et l'homme qui est tombé plus bas que la chèvre, à l'heure de culte, il s'adonne à autre chose. Il s'adonne à Dieu, devant Dieu, et lui est en train de déambuler, cherchant je ne sais quoi. Oubliant que le souffle de vie qu'il a, c'est l'expression de la bonté de Dieu à son égard. Parce que la chute dans le péché. L'homme est devenu pire qu'un animal. Il a perdu la notion de prière, la notion d'adoration. Il a perdu la soif de Dieu dans son cœur. Il a perdu la notion de consécration. Il a perdu la notion d'invoquer Dieu. Il est devenu indifférent à l'égard de la majesté de Dieu. L'homme est tombé plus bas que l'animal. Il est devenu pire qu'un chat. Libre qu'un cochon. Donc Dieu n'existe plus dans ses habitudes. Dieu n'existe plus dans son quotidien. Il n'a pas de place dans ses programmes. Dans la gestion du temps quotidien. Il a chassé Dieu de son temps. Il a tourné le dos à Dieu. Il a tourné le dos à la parole. Il a tourné le dos à la sainteté. Il a tourné le dos à la spiritualité. L'homme s'est égaré. Il est tombé plus bas que le cochon. Mais malgré tout ça, même si les gens le refusent, Dieu aime tous les humains. Sa bonté est une réalité. Alors ce matin, nous allons parler des deux heures de la résurrection d'entre les morts. Deux heures de la résurrection d'entre les morts. Ça ne veut pas dire, si tu prends ça intellectuellement, ça fait minute. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de 10 heures dont chacune compte 60 minutes. Il s'agit de 10 heures prophétiques. Dont le Seigneur avait parlé dans Jean chapitre 5. Le verset 25 que nous avons lu ici au début de la prédication. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. Virgile et elle est déjà venue. L'heure vient, virgule, et elle est déjà venue. Cette expression parle de 2 heures précises. Il parle d'une heure qui vient et il parle d'une heure qui est déjà venue. C'est ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu n'est pas la phraséologie française. La parole de Dieu n'est pas la langue de Molière. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu pense, c'est ce qu'il exprime. L'heure vient et elle est déjà venue. Quand vous suivez la logique phraséologique, vous admettrez qu'il s'agit ici d'une contradiction. Parce qu'il parle d'une heure au singulier. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. En disant l'heure vient, en français, on étiquette ça comme étant le futur proche. Il y a une variante du mode indicatif au temps présent. Mais quand c'est utilisé comme cela, ça comporte la pensée d'un événement imminent qui est sur le point de s'accomplir. Et c'est une variante du temps présent. Du mode indicatif. Oh, je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Le verbe même annoncé là, quand il dit, bon, je viens, je viens bientôt. On appelle, frère Intel, tu es où? Je viens. Ou alors, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire pour celui qui entend? Ça veut dire qu'il est déjà en route la personne qui dit qu'elle vient ou qu'elle arrive. Et cela est en train de se faire. Tout comme la personne qui annonce que je viens, vous avez dit j'arrive, sans avoir même pas encore entamé le premier pas. Mais elle est sur le point d'entamer le premier pas. On appelle pour rappeler le programme, la personne dira je viens, ou j'arrive. Ce qui ne veut pas dire qu'il est déjà en route en train de se déplacer. Mais il veut dire qu'il a l'intention d'effectuer les mouvements incessamment. Sans arrêter. Alors, quand on le prend dans le sens où je viens décrit l'action en cours, le déplacement en cours, là c'est le temps présent en réalité. Mais quand vous le prenez, là, en train de récupérer encore son sac au couloir, en train de dire un petit adieu au petit enfant là-bas, et tout, mais il vous dit, je viens, pendant qu'il est encore en famille, au moment, à l'instant présent, s'occupant des affaires familiales, là, on parle d'un futur proche. L'action de venir n'a pas encore démarré. Parce qu'il n'est pas encore sorti de la maladie. Il est encore en famille. Mais il utilise le présent, je viens. Pour ne pas mentir. Pour révéler l'intention qu'il a. Pour commencer dans un futur tout proche. L'action de venir. Voilà. L'heure vient. Ça montre bien que cette heure-là n'avait pas encore sonné. L'heure-là n'avait pas encore commencé. Alors l'horloge, la minute, la seconde, ne s'indiquait pas encore. Mais le Seigneur dit, l'heure vient. Et après avoir annoncé l'heure qui vient, il paraphrase en disant, elle est déjà venue. Louange à Jésus-Christ. L'heure vient et elle est déjà venue. Jésus est en temps présent. Parlant sur la terre. Jésus sur terre. Sur terre. Nous voyons là une chose. Et après, de nos jours, nous mettons une autre chose. Jésus de nos jours. Yes. Le même Jésus. D'abord sur terre, il y avait une heure. Après, Jésus de nos jours, il y a une autre heure. Pendant qu'il était sur terre, donc c'était une heure. Maintenant, le même Jésus-Christ. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De nos jours, c'est une autre heure. Depuis que Jésus-Christ a commencé son ministère. Et qui devait s'achever à la fin de son ministère terrestre. Pendant cette heure-là où il était en travail. Les morts devaient entendre sa voix. Et les morts qu'il entendrait. Ressuscité. En ce temps-là déjà. Mais après qu'il a fini son heure à lui sur terre, Jésus-Christ de nos jours, les morts entendront également la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Alors, il y a là les deux heures de la résurrection d'entre les morts. Amen. Mais ce sont des heures particulières et prophétiques. Ce sont des heures importantes en effet. Quand cette heure ici sonne pour maintenant, cette génération doit être prêt pour l'événement prévu. De même, quand Jésus-Christ était sur terre, cette génération devait être prêt pour l'événement prévu, c'est-à-dire la résurrection d'entre les morts. Qui dit amen en toute sincérité? Que le nom du Seigneur soit béni pour nous aider à comprendre ça dans la prédication de ce matin. Il n'y a que Dieu qui ressuscite les morts. Comme le Seigneur a dit ici dans le chapitre 5, Le verset 25 à 26. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce n'est pas tous les morts qui vivront. Vous allez pas mais ceux qui auront entendu la voix. Car, verset 26, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Zambi le Paul Tata Azali Nabomo Ikati na Yemoko. Bongo, a fini ko pesa e pay na mwana ete, azala na bomo ikati na yemoko. Le Père a la vie en lui-même, une vie que le Père pouvait donner. Et le Fils unique de Dieu avait la vie en lui-même, il dit qu'il pouvait donner pour ses brebis. Et en vertu de cette puissance, cette vérité, il a formulé une vérité capitale et cardinale pour le croyant. Jean chapitre 11, le verset 23 à 27. Jean 11, verset 23, je prendrai le verset 26 seulement. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Quand il dit ça à Marc, veut dire que lui, le Fils qui a dit ça, avait la vie en lui-même, une vie transmissible, une vie capable de se transmettre même en mort et de ramener un mort à la vie. De son cousin, de son demi-frère. Les gens dépendent de moi, je vais dépanner quelqu'un. Le Fils a la vie en lui-même. Quand il promet quoi que ce soit, il y a en lui la vie pour vivifier tout ce qu'il promet. Il y a en lui la vie pour matérialiser tout ce qu'il promet. Il y a en lui la vie pour concrétiser tout ce qu'il annonce. Et la vie qu'il a en lui est une vie inépuisable. C'est une vie éternelle. C'est la source de vie éternelle. C'est la fontaine de vie éternelle. C'est le géant d'amour éternel. C'est le réservoir de la vie éternelle. Inépuisable et inépuisable. Transmissible et vivifiable. Que celui qui a mes chers se dise amen. De même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et le Fils qui a la vie en lui-même, il a une chose éprouvée. Il a un mort ressuscité. Parce qu'il était capable de le confirmer. Il avait le pouvoir de le concrétiser. Chaque jour, il est capable de le faire. Si parmi nous, il est capable de le faire. Jésus lui dit, Yes, alors bien ailleurs. Contraire que tu pleures. Contraire que tu manques. Vous sentez le vide dans la famille. Inconsolable. Les pleurs sont devenus vos refuges. Et les larmes sont devenues votre eau de toilette. Vous serez comme une demeure que ce qu'on a là. Mais moi je t'annonce que ton frère ressuscitera. Mais la sacole lui est tombée comme eux à côté quoi. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Dans toutes les familles de l'époque. Si le cellulaire qui a pu oser dire une telle chose à un membre de famille éprouvé. Il n'y en avait pas. Parce qu'il avait la vie en lui-même. Une vie transmissible. La vie personnelle du Père. On appelle en grec Zoé. La vie personnelle de Dieu. Dieu, il est celui qui possède l'immortalité. Et la vie personnelle de Dieu est une vie immortelle. C'est une vie sans fin. Vous allez pas mourir sans doute. Transmissible. Oui, quand tu veux personnellement. Vivifiante. Jusqu'à vivifier même les cadavres en pourrissement. En état de pourrissement complet. La vie qu'il y a dans la parole de Dieu. Fera ça chaque fois. Tout le temps. Dieu est capable de le faire. Et c'est en vertu de ça qu'il dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. On répond ça au lointain. Comme toujours, quand Dieu est dans son message présent, le message de l'heure, les gens sont distraits, en train de rêver pour un avenir, un futur lointain. Voyez, mais Jésus lui dit, verset 25, je suis au temps présent, la résurrection et la vie. Je le suis. Non seulement que j'ai la vie en moi-même, mais je suis cette vie-là, et je suis la résurrection elle-même. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt au temps présent. Même s'il meurt au temps présent, celui qui croit en moi vivra. Même si vous le voyez mourir, vous le voyez mort, celui qui croit en moi vivra. Et ça c'est valable non seulement pour le frère de Marthe appelé Lazare, mais pour tout frère, toute soeur sincère qui croit sincèrement en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le même et nous pouvons encore croire en lui maintenant. Mais toi, si tu crois en lui, tu vivras. Même si ta famille, tes frères, tes amis, tes proches te voyaient mort. Et pensez-y un moment. Vous serez dans une caisse, hein? Aucun membre de votre corps n'est plus capable de bouger. Je respire aujourd'hui parce que la bonté de Dieu te fait respirer. C'est la bonté que ton corps bouge comme il bouge là. Il y a un temps où tu ne sauras pas le faire. Où le souffle te sera confisqué par celui qui te l'a prêté. Où tout mouvement te sera confisqué par celui qui te les avait prêtés. Dieu que parfois tu oublies. Dieu que tu humilies. Dieu que tu déshonores par tes mauvais comportements. Ta mauvaise nature. Zambo mususu wewe bosanaka zambo bwaki saka zambo zalipo yetu sasomi na bizaleli na yo mabe na epike na yo oyo ya mabebo salama mekyo kite privera sumufuma mbere zambo ngo moko mabwana ndi ape kwoto na yo un jour ça arrivera eto wana nikambo ko kwoto na zalita mukoro moko ko pombe na yo un jour ça arrivera mukoro moko ko pombe na yo. Que ton mouvement te soit privé. Ni doigt, ni clignement des yeux. Ni grimace de lèvres. Rien, tout ce il sera mort. Dieu seul sait quand et où. Dieu seul sait. Tout le reste que des commentaires seront faits, bon, c'est des commentaires qu'on fera. Ici au niveau de la nation, il y a un deuil là, dans le monde de la musique, hein? La musique païenne, le folklorique. Il y a une dame là, qui s'intéresse, qui est décédée. On peut être si populaire, si connu. On peut paraître vivre longtemps et atteindre la vieillesse, mais il y a un jour où la mort arrive. Et là, on place ton prénom à la chambre froide. Tout voilà. Dans des glaces. Ta peau deviendra moite. Et ton corps va geler comme un gros Thompson. Bongo 25 plus. Bongo 25. Hein? Tu seras là. Gelé comme ça. Kangamina malini bongo. Comme un gros mbongo, 25 plus. Donc le bras ne bougera pas, le pied, rien, tout bloqué. Tu deviendras ce gros mbongo là-bas dans la chambre froide. Certains de ceux qui travaillent là-bas ne mangent même plus de viande. Habitué à couper des cadavres. Et les maboumous là que l'on vend dans les chambres froides, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans le ventre des humains, les maboumous. C'est ce qu'on sort des ventres des hommes, non? Vous voyez, les maboumous là que vous mangez, vous mettez. Donc on ouvre pour mettre le formol, maboumous. Il est humain. Donc c'est ce qui est dans le ventre de chacun de nous. Les gens vont mourir. On va sortir ça. Il arrivera même qu'on va prendre ça, donner pour nourriture aux chiens. C'est ce qui se passe dans certaines morgues. Les cadavres qu'on enterre sans les maboumoula. Vide, vide tout là-bas. Et puis, on prend, on va te coudre comme un habit, un vieil habit, hein. Bazui li Mais c'est dur, hein. Écoutez, okay. Recevez la vie déjà maintenant. Amen, amen. Il est temps de se convertir à Dieu. Il est celui qui donne la vie éternelle. Mes amis, écoutez ça. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Amen. Celui qui vit et croit à moi ne mourra point. Celui qui dit comment? Par lui-même. Dieu parle du juste qui vit par la foi. Parce qu'avant d'avoir la foi, c'est un mort qui s'ignore. Avant d'avoir la foi véritable, c'est le cadavre ambulant. Mort dans ses péchés. Mort dans ses offenses. Nous pouvons lire dans Ephésiens au chapitre 2. Qu'est-ce dit l'Écriture sainte? Parce que c'est la parole. Verset 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Moïse s'adresse à un groupe d'hommes et de femmes devenus peuple de Dieu, comptés parmi les croyants. Comptez parmi les croyants qui ont renoncé à l'incrédulité. Ils sont séparés des iniquités. Ils ont rejeté les mondanités. Ils ont des ressemblances païennes. Ils ont fait des incrédules. Pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour honorer l'évangile de Jésus-Christ. Et alors au moment où la parole s'adresse à eux ici, dans un temps présent, il est dit, vous étiez morts. Quand vous étiez dans cette vie d'offense et de péché, vous étiez morts. Mais maintenant que vous avez déjà entendu la parole de vie, c'est la foi. Par la foi vient de ce qu'on entend. Quand vient de la parole de Christ, maintenant que vous avez entendu la parole de Christ, que vous avez réussi à croire, vous n'êtes plus mort. Mais vous êtes devenu vivant par la foi. Et c'est lui qui vit et croit en Jésus-Christ. Il ne mourra point. Allons-y. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Pas maintenant. Pas actuellement. Dans la vie que vous menez à l'église. En tant que fidèle croyant. Dans lequel vous marchez autrefois. Selon le train de ce monde. Hein? Mm. Vous étiez derrière les griffes. Religion mulatto. C'est ça. C'est trop dans ton esprit, dans ta mentalité, dans ta manière de t'habiller. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde ici. Vous étiez dans le même train que les mondains, que les païens. Dans le même train. Vous êtes de voyager ensemble. Vous allez voyez? Selon le train de ce monde. selon le prince de la puissance claire de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais vous, ce n'est plus cet esprit-là qui agit en vous. Vous n'avez pas de l'esprit de C'est un esprit qui fait que les gens passent souvent le contraire de ce que la parole leur enseigne. Il est à l'église, mais il fait le mal du monde. Il est à l'église, mais il se comporte comme les païens. Il est tout là devant les païens parmi les païens. Il n'y a pas de différence. L'esprit de rébellion. Et il se rebelle contre la parole révélée. La parole clairement révélée, la parole qui vous a révélée. C'est un esprit. Et cet esprit n'est pas de Dieu. C'est un démon. Un esprit mauvais. Qui pousse à la rébellion, à la tristesse, à avoir de l'orgueil, vous rejetez même la correction, tout ce qui dit qu'on veut vous redresser, vous êtes engagé de polémique, c'est un esprit mauvais, qui anime les gens du monde. Mais Dieu vous a sorti de là. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous l'étions, mais nous ne l'étions pas plus. Quand il y a un mot, nous sommes en train de faire un peu de la mousse. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Fait de nous des vivants. Il peut attendre à nous et nous allons nous faire avec Christ. Et si comme on a Christ. Non pas la vie en séparation d'avec Christ. Vous allez pas moyer tenir pour comme on a Christ. Mais la vie en union avec Christ. Bon moyer la bonne moto et on a Christ. La vie en communion avec Jésus Christ. Une communion excellente et bienfaisante. Une communion profonde et merveilleuse. Le Seigneur Jésus l'entretient avec ceux qui lui appartiennent. Et cela se fait au quotidien. Examine ta vie, toi, frère, sœur. Est-ce que c'est le cas? Tu es rendu vivant avec Christ. Et Christ, il est la parole de cet âge. Le Christ vivant à réel, c'est la parole de cet âge. Christ était le message du temps de Noé. Christ était le message de lui sur le mont Carmel. Christ était le message de Moïse à Israël. Christ était la vie de Joseph en Égypte. Christ était le message du temps de la fin. Christ était le message du temps de la fin. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et celui qui est la parole était devenu un homme, il a vécu parmi nous. Et il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Votre vie réelle dans la foi C'est avec Christ. En communion permanente. En communion profonde et merveilleuse. C'est une communion profonde et bienfaisante. C'est une communion vivifiante. C'est une communion qui détient la puissance de rédemption. Qui te délivre de tout ce qui est mal. Et qui te pousse vers la perfection. Pousse vers l'irréprochabilité. Un jour. Et c'est un processus dans lequel vous êtes participant. Et vous regardez la grâce du Seigneur, de jour en jour, vous amenant vers votre perfection. Nous appuyons des iniquités, des péchés et des rébellions d'autrefois. Il vous détache des défauts que vous sentez qu'il vous aime. C'est lui qui vous guide, il conduit chacun de vos pas, tous les jours de votre vie. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez il ôte de vous chaque jour les vieilles mauvaises habitudes. On bloque parfois l'une après l'autre. Vous êtes dégagé de prier. Ça veut dire que si toi tu aimes somnoler à l'église. Et habitué à la routine. Et se contenter de la routine. L'âme plus sincère qui marche de manière progressive. Dont les défauts ne font que diminuer chemin faisant. C'est le Seigneur qui les dépouille. Comment on chante là? Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse. Il éclaire. Il est clair. C'est ton vécu quotidien. Jésus-Christ est ma justice. Je ne marche pas par la vue. Amen. Marche par la foi. Amen. Je ne marche pas par ce que j'entends des hommes, mais je marche par la foi dans mon Dieu. Je ne marche pas par la foi dans mon Dieu. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin, c'est pas ta vie. De chrétiens vivant par la foi, par sa grâce. Nous l'aimons beaucoup. À Golgotha, il a dit, tout est accompli. Si tu contredis ce que tu ne crois pas. Mais si tu crois, tu diras comme moi, amen. De fois, nous prêchons l'évangile invasif. Pour envahir l'incrédulité. Nous devons agresser le péché. Sans tournure. Il a été flanché à Golgotha. Et les croyants sont libérés. De toute mauvaise vie. Ils sont déliés. De tout esclavage du mal. D'être serviteur du mal. D'être ouvrier d'iniquité. Amen. Et quand il meurt ici, le voilà dans l'au-delà. Amen. Je vais lire Frère Branham. Mais désolé. Voilà. Cette tablette m'a été offerte au service de Dieu en 2014. Et je l'utilise principalement pour WhatsApp. Mais depuis hier, pendant que je travaillais avec Frère Elie sur mon ordinateur, elle s'est bloquée. Le display ne répond plus. Pour la première fois, 2014 à 2022. Des centaines et des milliers de services rendus aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, grâce à ça. C'est grâce à ça que je vous envoie les prédications. De manière continue là. Depuis qu'on ne poste pas encore ça dans le vieux site de Sénipart. Voilà l'outil de travail. Louange à Jésus-Christ. Je l'avais reçu gratuitement. Et je l'ai gardé correctement. Et il n'a jamais échoué. Mais voilà que depuis hier, c'est même depuis que nous n'utilisons pas le bureau Sénipart à plein régime, c'est celle que j'utilise pour pouvoir avoir certaines citations ici à la chaire. Quand j'ai vu ça se passer hier soir, j'ai dit ok, le 10 décembre, ça y est. Donc le diable est en train de préparer l'échec pour la prédication de demain, pour que je me mette à fouiller les brochures imprimées, et ça allait me prendre encore du temps et me retrouver ici en retard. Mais c'est déjoué. Parce qu'il faut être prévoyant. Alors, je vais faire une chose que je n'ai jamais faite, ni imaginé faire. Savez-vous quoi? Oui, oui. Ah. En tout cas, pardonnez-moi. Oui, oui. C'est l'ordinateur. Yes. Je n'ai jamais imaginé faire ça. Non, non, mais j'ai essayé de mettre dans un petit téléphone ici. C'est tout petit là, illisible. J'ai mis les lunettes. Oh, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai pas de choix, Seigneur. Que les enfants de Dieu me pardonnent. Pardonne, mais je vais lire quelque chose ici dans le frère Branham. Hein? Ne me tenez pas trop rigueur, hein? Mm. Oh, mon pasteur, il y a un ordinateur, la chair. Il y a vraiment un ordinateur, la chair. Donc, je ne viens pas ici pour m'exhiber, chers amis. Que Dieu nous aide. Je vais lire dans les sceaux de Pâques. Vous avez le sceau de Pâques? La puissance de résurrection. Jésus, quand il annonce des choses, c'est une réalité. Alors là, je lis, et ça c'est un ordinateur que j'ai acheté en 2010. Il était venu de France. Hein? 2010 à 2022. Ça fait 12 ans. Ça continue à rendre service. Louange à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça y est là. Nous lisons à partir de là. Oh, c'est mes parents, on m'avait dit, pasteur, j'ai un ordinateur, mais c'est mes parents seulement. Oh, doucement. Malembe. Tokendikaka. Qui dit ça, on a des coupes. Tokendikaka. L'essentiel, nous travaillons pour Dieu. Nous nous sommes dans une compétition de modernité. Car même ceux qui ont décrété la révolution de la modernité, vous savez comment cela s'est terminé. Dans les sceaux de Pâques prêchés le 10 avril 1965, alors là je prends à partir du paragraphe 192, le paragraphe 198. Est-ce que vous pouvez entendre un peu ce voyage? Quand l'esprit existe, l'au-delà existe, la résurrection existe. Je me souviens de ce matin où j'ai été saisi dans l'au-delà. Quelle expérience! Saisi dans l'au-delà. Comme on dit l'évangile, nous devons apprendre à sortir de nous-mêmes. Et quand nous sortons de nous-mêmes, nous devons y rester assez longtemps, en dehors comme ça. Et vous qui avez raté le culte de vendredi, vous avez tout raté. Hein? Le Saint-Esprit était ici. Satan était venu aussi. Comme un jet, il était ici, avec ses troupes. Il a attaqué l'électricité. Il a envoyé le groupe. Dieu te donne la foi pour quitter le monde d'incrédulité. Satan alimente l'incrédulité, Jésus alimente la foi. Satan a fait pour que ça la moi j'ai choisi la foi. Pour sortir hors de moi. Pas pour me ribanda non pas pour quelques moments. Et là le moment là il est bien longtemps. Maintenant, William Branham aussi a été saisi dans l'au-delà. Je me souviens de ce matin là où j'étais saisi dans l'au-delà. Et ma femme qui était assise là au fond. Moi, était allongé avec moi sur le même lit. Et je relevais la tête pour regarder. Et elle dormait. Là, je me suis dit, pour faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher. Tu y as passé 50 ans. Alali, hein? Yo, c'est quoi, Bima? Il faut ça, non? Non? Fais, papa, il faut aller à la Gounazo, on flagane. Bima. Bima, non, mouké. Tu le veux, Bimi, vous mettez là. Parce que c'est là que les choses se voient. Merci, je m'en vais. Les choses se font. Je suis un peu plus de temps. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Et je regardais de l'autre côté. Et je vis les saints. Les mêmes qui avaient vécu dans la foi ici sur le soleil. Et à un moment, il s'est déclaré mort sur la terre. Et voilà là-bas. Celui qui vit et croit en moi ne mourra pas, dit Jésus. Déclaré mort ici, ne vit pas là-bas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit très. Le moi est allé le voir. À n'importe lequel même prophète promis. Le Saint-Esprit m'a dit. Et je regardé de l'autre côté. Et je suis le saint. Tant que tu ne sors pas de toi-même, des choses pareilles, tu ne verras jamais. Il faut bimagalibanda na yo. Amen. Frère David, il doit sortir aussi. Pour voir des choses. Toi là, tu dois sortir aussi pour voir des choses. Comme je l'ai dit, Pangeri, nous devons prier et prier. Prier et prier jusqu'à voir des choses. Nous l'avons répété. Frère Branham me dit, tu peux dire, moi je ne suis pas le prophète de Dieu. Mais tu peux être un instrument que Dieu utilise. Pour faire voir des choses. Pour manifester les choses, pour accomplir les exploits, même si tu n'es pas le prophète. Nous vous avons dit que les visions ne sont pas des dons. La vision est un canal par lequel Dieu montre les choses. Point barre, c'est pas un mot spécial. C'est un canal. N'importe qui peut y arriver. Du monde de l'homme est à la grande si tu veux mettre fin à la routine, les changements se manifesteront. Ceux qui sont si moi aussi je n'avais pas accepté de mettre fin à la routine, l'ordinateur ne serait pas ici. Je serais venu ici peut-être à 11h30 avec ma brochure. Pour être sûr que je prêche à partir de ma brochure. Ceux qui n'ont pas de mon message, la ligne de la salle en bon mot, c'est la ligne de la brochure et comment. Le Saint-Esprit m'a ravi. Et j'ai regardé l'autre côté. Et j'ai vu les saints. Aussi sûr que je me tiens derrière ce pupitre. Avec ce livre sacré posé ici. Étant un ministre de l'Évangile. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Hein? Bien sûr que non. Si je le fais, je veux que vous me le disiez. Est-ce que cela n'a pas été chaque fois parfaitement sur l'estrade? Est-ce que ce n'est pas arrivé à chaque fois comme il avait dit? Ainsi dit le Seigneur. Je me suis tenu là. Et j'ai regardé cette fois-là. Et j'ai vu des milliers de fois et des milliers de gens qui venaient. De jeunes hommes et femmes, et qui me sautaient au cou, en criant. Je regardais derrière moi, et je me suis vu allongé sur le lit. Il regarde derrière, il se voit allongé sur le lit. Ça veut dire que l'esprit qui l'avait ravi l'avait élevé. Voilà. Il était couché comme ceci sur son lit, avec les deux mains à la caboche. Hein? Le lit, sur le lit comme ça, endormi. L'autre corps ressort. Il s'était là-haut. Il voit des milliers de gens, de jeunes hommes et femmes qui accouraient. Ils sont au cou en criant. Notre précieux frère Branham. Il criait là. Et à un moment, il tourne les regards en bas. Il voit son corps étalé au lit. Son corps habituel terrestre. Oh, et le Seigneur m'a permis de voir au-delà du rideau du temps. Oh, le Seigneur l'a permis. Il a permis que je voie ça. Voir au-delà du rideau des temps, qu'est-ce? C'est une puissance de résurrection qui va nous emporter. Cette glorieuse puissance de résurrection, c'est ce qui a promis et c'est ça. Le corps naturel sur le lit, un autre corps développé en forme de jeunesse, lève et va là-bas dans l'au-delà. Et il voit des saints, des milliers qui se tenaient là. Il regarde derrière, il voit l'autre corps. Et il est dans un autre avec des gens qui le sautent au cou. C'est quoi ça? C'est une puissance de résurrection qui va nous emporter. Cette glorieuse puissance de résurrection. La puissance de résurrection est venue en ce dernier jour. Êtes-vous là? Elle est venue en ce dernier jour. C'est pour cela que je suis en Arizona même. Maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sont ici même et qui étaient ici à Phoenix. Et qui m'ont entendu vous dire ici même de cette escade, ainsi dit le Seigneur. Quelque chose était sur le point d'arriver. Pour combien ça se souvient? J'ai vu venir sept anges. Ce n'est pas ces corps ici. Mais c'est une vision. C'est pas ce que j'ai ici. Mais c'est une vision. Je vis venir sept anges. Le magazine Life l'a bien montré, n'est-ce pas? Comme un brouillard qui est passé là-haut, de 43 km de haut sur 48 km de large. Fred Sofman et les autres jeunes normands qui étaient assis là, au fond, ils étaient bien là-bas, n'est-ce pas? Quand ces sept anges sont apparus, et parce qu'ils avaient des ailes, je vous ai dit que ces sept anges, ils étaient des séraphins. C'est les chérubins gardés des trônes, je veux dire. Entourant la tête de Jésus. Miséricorde. Cet ange se tenait là. Il avait une épée d'argent à la main. Vu Jésus-Christ dans cette apparition-là. Il avait une épée d'argent dans la, à la main. Et il a dit, retourne dans ta région d'origine, ouvrir ces sceaux qui sont donnés. Et quand lui a dit ça, que preuve en a entendu, dans la conquête, c'était un puissant coup de tonnerre qui a fait trembler la montagne. Mais ce que dit Jésus tonnerre était que retourne dans ta région d'origine. Ouvrez ces sceaux qui sont donnés. Et les voici. La vérité sur le mystère du mariage et du divorce. La semence et l'éternement. Et toutes les choses qui ont été l'objet de disputes. C'est ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce? Cette puissance de résurrection. Qui vient à l'église pour la préparer en cette heure dont nous nous approchons. La puissance de résurrection venant vers l'église pour préparer l'église en cette heure dont nous nous approchons. La puissance de résurrection. Oh Dieu, aide-nous à la recevoir. Aide-nous à le croire. La puissance de résurrection. Nous sommes en train de parler des 10 heures de la résurrection d'entre les morts. La première heure est déjà passée. Jésus-Christ était sur terre, accomplissant son ministère jusqu'à la croix. Mais la deuxième heure est autour de nous ici maintenant. Nous nous en approchons. C'est une heure qui vient. Vous tenez prêt? Que Dieu nous aide à recevoir la puissance de résurrection. Que Dieu nous aide à y croire. Vous voyez, mais cela dépend de l'attitude que vous adoptez. Si cela va vous servir à quelque chose ou pas. Il s'agit d'y croire. Si vous n'y croyez pas, cela ne vous servira à rien dire. Mais pendant que nous continuons à vivre sur la terre ici, entendez que la puissance de résurrection est venue dans ces derniers jours. Et c'est elle qui prépare l'église. Est-ce que tu y crois? Es-tu disposé à la recevoir? La puissance de résurrection. Quand tu vois ça, la nuée de gloire, Jésus-Christ photographié là haut dans les airs, mais c'est ce que Branham appelle la puissance de résurrection qui est venu dans ces derniers jours pour préparer l'église. Il est apparu. Ce n'est pas la photo qui prépare les gens, mais la personne photographiée ici. C'est elle qui dégage la puissance qui prépare l'église. Qui dit amen? Qui veut se séparer du monde? Qui veut être présent dans l'enlèvement? Que Dieu te secoue, que Dieu te délivre, que Dieu te pardonne, et te donne le plein salut.